la la la la la la En Clio pété, ça change la mine. Moi c'est Jojo d'or et platine. Tout seul dans le game, les couilles à poutine. Comment je fais respecter sans sortir l'outil? Chez moi ça nique des mères que pour des broutilles. Avant je faisais la marque, maintenant elle fait la groupie. Pourtant j'ai pas de vision, pas de zanouti. J'ai pas de salaire, c'est là que tu me fais le voyou de palette. J'ai pas de salaire, j'ai stoppé l'alcool et maintenant l'herbe. Ah j'ai l'air vieux, mais ils ont menti, j'ai plus dans leur yeux. S'ils me cherchent, ils me trouvent pas. Je rentre pas dans leur yeux. Merci bon que je lâche mon orgueil, je suis pas au Dieu. J'ai des personnes que j'aime, là oh Dieu. Je vais, je viens, je fais ma vie, chez moi rien n'a changé. J'ai toujours mon survêt, mes radics, mes potes c'est rien étranger. J'calcule personne, j'fais magique, j'finis souvent gazé. J'traîne au quartier seul la nuit, quand j'stresse ou j'suis angoissé. J'ose de stamper en année là, j'mouille le maillot comme Cabella. Et ils vont me zapper, je le sens de là. Si tu lis là son délire, c'est un fada en moto, il fait des délits. Je les fais mille fois tout ce que tu veux, mais écris pas des lignes. Que vous soyez d'autres fois, ça te vordise. Je vous nique si demain je suis plus en mode artiste. C'est comme ça, y'a des vrais, y'a des faux. Relève la tête, t'aimes pas te voir triste. Faut des billes, sort avec un canon, si, au rap, je suis lié. Mais un jour on va m'oublier, plié. C'est suspect comme c'est DM qui tombe dans le tête toute la journée. Les jaloux, toujours les mêmes, ils s'aiment en défi quand j'ai le dos tourné. Je vais, je viens, je fais ma vie, chez moi rien n'a changé. J'ai toujours mon survêt, mes asics, mes potes deviennent étrangers. J'calcule personne, j'fais magique, j'finis souvent gazé. J'traîne au quartier, c'est la nuit, quand j'stresse ou j'suis angoissé. Je vais, je viens, je fais ma vie, chez moi rien n'a changé. J'ai toujours mon survêt, mes asics, mes potes deviennent étrangers. J'calcule personne, j'fais magique, j'finis souvent gazé. J'traîne au quartier, c'est la nuit, quand j'stresse ou j'suis angoissé. C'est suspect comme c'est DM qui tourne dans le tête toute la journée. Les jaloux toujours les mêmes, ils s'inventent des vies quand j'ai le dos tourné. C'est suspect comme c'est DM qui tourne dans le tête toute la journée. Les jaloux toujours les mêmes, ils s'inventent des vies quand j'ai le dos tourné. Moi c'est tout le temps avec platine. Tout seul dans le game, les couilles à poutine.